Alors, qu'attendre de cette suite American Nightmare 2? Je suis tiraillé car d'un côté, j'aime beaucoup le côté home invasion très carré du précédent volet, et de l'autre, j'aimerais en savoir plus sur l'univers des pins, ce qui est difficilement compatible, vous en conviendrez. Cet épisode part donc dans une autre direction, nous faisant vivre la nuit d'angoisse vécue par cinq protagonistes unis au gré du hasard. Cette fois-ci, pas de réelle tête d'affiche. On a bien Franck Grillo dans le rôle principal, mais ce n'est pas lui qui va faire vendre le film. Tiens, en passant, j'ai trouvé le cast très solide d'ailleurs, et Franck Grillo mériterait vraiment un meilleur rôle. Puisque je suis dans les points positifs, la direction artistique est très chouette elle aussi. Et enfin, les thématiques et ce qui n'était qu'effleuré lors du précédent épisode est ici défoncé à coups de Rangers. La corruption de l'État, son cynisme et sa morale déviante, ces élites qui payent pour avoir leur propre martyr sans crainte de sortir et bien d'autres hypocrisies. Et au milieu de tout ça, une poignée de personnages présentés comme intègres se bat pour survivre à cette nuit et échapper à leurs conditions. Le point négatif en revanche, c'est le nombre abusé de Deus Ex Machina et l'image un peu moche qui semblait être une marque de fabrique de la saga.